La résilience. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La résilience, c'est la capacité, sur le plan psychologique, de l'individu à faire face à l'adversité. Donc, à faire face à des événements, à des pensées, à des émotions que son ego n'a pas choisi. Donc, être capable de rebondir dans l'adversité, et plus que l'individu a une capacité de résilience qui est grande à l'égard d'un événement ou d'un élément qu'il n'a pas choisi, et plus qu'il est capable de s'y adapter rapidement. Donc, la capacité de résilience... C'est la capacité de faire face au choc de la vie. En termes d'événements, ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, que la personne apprenne que son enfant est décédé. Donc, des événements qui peuvent être chargés d'émotions, qui peuvent occasionner de la réflexion et qui peuvent, face aux émotions et aux pensées qu'ils occasionnent, ces événements-là, amener la personne qui les vit à devenir dysfonctionnel, donc être plus capable de travailler, de s'occuper d'elle-même dans la vie de tous les jours. Donc, plus que la personne se laisse ébranler par la forme de l'événement, et plus qu'à ce moment-là, elle présente une capacité de résilience qui est faible. Donc, la capacité de résilience est en relation avec la capacité d'adaptation de l'individu à l'égard d'une réalité qu'il ne contrôle pas en tant qu'ego. Donc, autrement dit, l'ego n'a pas la capacité de contrôler tous les événements auxquels il est confronté dans sa vie de tous les jours. Par contre, il doit être en mesure de les intégrer pour rester dans un état de paix mentale, de stabilité et être capable de poursuivre sa vie lorsqu'il est confronté à un événement qu'il ne contrôle pas et qu'il évalue comme étant désagréable en fonction de sa subjectivité et de sa lecture de la réalité. Donc, par rapport à la résilience qui peut être mentionnée, c'est que c'est un concept aussi qui se rapporte à des objets. Donc, des objets qui sont résilients, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter au choc. Par exemple, on va dire qu'un contenant de plastique est beaucoup plus résilient lorsqu'on l'échappe plutôt qu'un contenant qui est fait en vitre. Donc, le contenant en plastique, lorsqu'on l'échappe par terre, donc si on pense entre autres à un verre en plastique, pour donner un exemple un peu plus précis, on l'échappe par terre et à ce moment-là, il ne casse pas. Et lorsqu'on échappe un contenant qui est fait en vitre, par terre, actuellement, il va casser en plusieurs petits morceaux de vitre. Donc, le verre en vitre, lorsqu'on l'échappe, il n'est pas résilient. Il ne s'adapte pas à la situation, il éclate. Et c'est un petit peu la même chose par rapport à l'ego. Donc, un ego qui est résilient, c'est celui qu'on va retrouver chez la personne qui fasse un événement. Prenons le cas de la perte d'emploi. Eh bien, lorsqu'il apprend qu'il perd son emploi, qu'il n'a pas décidé de vivre cette perte-là, bien, ça peut l'occasionner de la contrariété. Mais s'il est résilient, il va être capable de rebondir puis de se remettre en action pour faire des démarches pour se retrouver un autre emploi. Alors que l'ego qui n'est pas résilient, on lui apprend qu'il perd son travail, il va crier à l'injustice, il va être agressif, il va vivre de la colère, de la dépression, il peut vivre une situation qui va l'amener dans une espèce d'état de contrariété qui va faire en sorte que ça va lui prendre peut-être 6 mois, 1 an, 10 ans, s'il est extrêmement attaché à un emploi, pour intégrer l'énergie qui se rapporte à l'événement non désiré par lui, de sorte que ça va lui prendre beaucoup plus de temps pour se remettre en action dans sa vie. Alors que l'individu qui aurait une grande capacité de résilience, donc si cette capacité est absolue, il s'adapte dans l'immédiateté au moment où il apprend qu'il y a une information qui le confronte, qui ne fait pas son affaire comme égo, il est capable de s'y adapter dans le moment présent en se mettant en action, puis en faisant autre chose, puis en étant capable de passer par-dessus des résistances qu'il peut avoir. C'est sûr qu'éventuellement, lorsqu'il sera totalement résilient, eh bien, il n'y aura plus de résistance chez lui parce qu'il n'aura plus d'orgueil. Donc, il n'y aura plus de désir subjectif à l'intérieur de lui qui va colorer son fonctionnement psychique. Donc, autrement dit, si la personne est libre de la forme, si la personne est libre de l'attachement à quelque chose, qu'il apprenne qu'il perde son emploi, qu'il perde une voiture, qu'il perde sa compagne, qu'il le quitte, peu importe l'événement auquel il est confronté, s'il est libre de la forme, il ne va pas nécessairement en souffrir émotivement. C'est lorsqu'il est attaché à l'élément et que cet élément-là ne fait pas l'affaire à l'ego de le perdre, que là, la souffrance va être grande. Plus qu'il est attaché à quelque chose et plus qu'il souffre, habituellement, c'est ce qu'on va observer, notamment par rapport au phénomène du deuil. Donc, quelqu'un perd un être cher, quelqu'un avec lequel il a noué un lien relationnel sur plusieurs années, c'est sûr que s'il lui donnait beaucoup d'importance, beaucoup de valeur à cette relation-là et qu'il nourrissait un ego, un orgueil à cet égard-là, eh bien, ça va faire en sorte que ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant que la personne se relève et se remette en action dans sa vie suite au moment où il apprend qu'il a vécu la perte de cet être cher-là. Donc, tout est vécu en relation avec l'individu. Ce qui permet la résilience, la capacité de l'individu de laisser circuler librement les informations se rapportant à des événements, des pensées qui vont se présenter à lui dans sa vie de tous les jours sans les réfléchir, sans les émotiver et en ayant un ego qui est transparent, donc qui ne colore pas l'information, qui ne la bloque pas et qui ne la polarise pas. Donc, c'est la capacité de traiter avec la réalité telle qu'elle, à l'état brut, sans utiliser les mécanismes d'autoprotection de l'ego, que ce soit le déni, l'évitement, qui sont des mécanismes de défense. La résilience, c'est ce qui permet de composer directement avec l'esprit, avec le réel, avec la réalité de nature vibratoire, sans colorer l'information, sans l'astraliser, sans une capacité de résilience donnant accès à un mental qui est centrique, qui est stable. Il y a la perte de contact avec l'esprit. L'une des premières choses que l'esprit veut installer auprès de l'individu, c'est une communication continue avec lui, 24 heures sur 24, et pour y arriver, il faut qu'il soit stable dans le mental. Sans stabilité, l'individu perd contact avec lui régulièrement et reste branché sur le plan astral plutôt que mental, c'est-à-dire être en contact avec le plan de l'esprit. Et c'est en étant branché sur le plan astral qui est coloré qu'à ce moment-là, c'est une interférence psychique auquel il est branché qui lui donne accès à moins d'énergie et qui ne lui permet pas d'intégrer la réalité telle qu'elle. Donc, l'esprit, lorsqu'il commence à communiquer avec l'individu, au moment où le processus de la fusion est enclenché, eh bien, à ce moment-là, l'esprit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à rendre plus efficace son lien avec l'individu sur le plan terrestre, parce que cet esprit cherche à avoir avec lui une connexion psychique stable avec lui. Donc, autrement dit, il cherche à le garder branché continuellement sur l'Internet psychique pour lui véhiculer de plus en plus rapidement une grande quantité de données, d'informations. Il est comme une personne qui veut passer de l'Internet basse vitesse à l'Internet haute vitesse. Sauf qu'il applique ça à l'individu. C'est-à-dire que plus que l'individu est stable dans le mental et plus l'esprit peut lui acheminer une grande quantité d'informations qu'il va être en mesure d'intégrer sans que ça lui crée des chocs, étant donné qu'il a une grande capacité de résilience. Puis ce qui va caractériser l'individu qui développe une capacité de résilience qui est grande, c'est le fait qu'il va être en mesure de vivre des processus de deuil instantanés, d'une manière spontanée, plutôt que de se chelonner sur une longue période de temps avec des étapes. Donc, tant que l'individu fonctionne d'une manière psychologique plutôt que d'intégration psychique directe, il passe par des étapes qu'on peut étudier sur le plan psychologique, que ce soit celle du déni face à un événement difficile. Donc, l'ego ne veut pas voir l'événement difficile, fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si rien s'était passé. Donc, quelqu'un, par exemple, apprend qu'un de ses amis est malade. Et au lieu d'intégrer l'information, on va dire « Ah, ça, il dit qu'il est malade, mais je suis sûr qu'il n'est pas vraiment malade. Toutes les choses vont s'arranger tout seul. » Face à la situation qu'il ne veut pas voir, ben, il fait du déni. Ensuite, il peut vivre la colère. Pourquoi que ça y arrive à lui plutôt qu'une autre personne? La vie est injuste, la vie est cruelle. Donc, il peut avoir une réaction émotionnelle face à un événement qui n'est pas désiré par rapport à l'ego. Ensuite, il peut vivre la dépression. Donc, la personne qui apprend que son ami est malade, puis il constate que finalement son état ne s'améliore pas, il se détériore. Donc, la personne peut devenir pessimiste face à cet événement-là. La personne peut se sentir en perte d'énergie, trouver ça désagréable. Et finalement, arriver à l'acceptation que son ami est malade. Et plus que l'ego est têtu, est orgueilleux, et plus que ces étapes vont demander du temps à franchir, et plus que l'individu est dans un processus de réflexion, plus qu'il se sent victime, plus qu'il colore l'information, et plus que ça va prendre du temps à ce qu'il l'aperçoive de manière décolorée et d'une manière transparente. Tandis que si l'ego est transparent à la base, peu importe l'événement auquel il est confronté, il n'y a pas d'étape de deuil à vivre parce qu'il intègre l'information en mesure. Donc, tout est intégré de manière instantanée, puis il se positionne directement intelligemment à l'égard de l'événement. Donc, il n'y a pas de délai d'intégration, il n'y a pas de débat intérieur entre son côté astral et mental parce qu'il est directement sur la vibration mentale et il interagit avec elle d'une manière intelligente. Donc, plus sa capacité de résilience est forte, plus il a accès au réel instantanément. Par exemple, quelqu'un qui est capable d'encaisser 40% d'un événement, cela lui prend plus de temps pour l'intégrer. Ça peut lui prendre, par exemple, 6 mois lorsqu'il est confronté avec un événement difficile, à la différence de celui qui l'intègre à 70%. Peut-être ça va lui prendre 3 mois pour intégrer la charge énergétique de l'événement, alors que la personne qui a un ego qui est totalement transparent intègre à 100% l'information relative à un événement d'une manière instantanée. Plus qu'il est libre à ce moment-là de la polarité, ben, il ne va pas juger l'événement comme étant bien ou mal d'une manière réflexive, mais il va plutôt évaluer l'événement sur le plan vibratoire, et ça se fait d'une manière spontanée, et composer ensuite avec. Donc la résilience, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à être bien dans sa peau. Ça donne un fonctionnement sans réactivité émotionnelle, donc à des émotions ou être en réaction aussi avec des pensées. Et ça permet à l'individu de demeurer dans l'action créative, en synergie avec l'esprit, et de garder un état mental qui favorise la possibilité d'une communication télépathique avec l'esprit à tout moment, parce que l'individu est enraciné dans la matière, il est stable. Donc, à ce moment-là, il peut être mis en communication à tout moment avec des idées créatives qui proviennent de l'esprit, qui pourraient facilement perturber l'individu qui est instable sur le plan mental. Donc, c'est à ça que ça sert la capacité de résilience.